nous avons fait à mon oncle des funérailles magnifiques, avec 5 discours sur la tombe. Le sénateur, baron de Croisselles, a prouvé en termes admirables que Dieu toujours rentre victorieux dans les âmes de race un instant égarées. Tous les membres du parti royaliste et catholique suivaient le convoi avec un enthousiasme triomphateur. En parlant de cette belle mort, après cette vie un peu troublée, le vicomte Roger s'était tu. On riait autour de lui. Quelqu'un dit « Bah, c'est l'histoire de toutes les conversions in extremis ».